Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Chemin de la Croix méditée par l'abbé P. A. Regnault, chanoine de l'église cathédrale de Metz. Approbation de Monseigneur l'évêque de Metz, Paul-Georges-Marie Dupont des Loges, par la miséricorde divine et la grâce du Saint-Siège apostolique, évêque de Metz, à tous ceux qui les présentent verront, salut et bénédiction en notre Seigneur. Nous avons lu avec édification et intérêt le livre intitulé « Nouveaux exercices pour servir à la dévotion du chemin de la croix » par M. l'abbé P. A. Regnault, chanoine de l'église cathédrale de Metz. Nous le recommandons aux fidèles de notre diocèse, comme propre à nourrir leur piété envers la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez à Metz sous notre sein le sceau de nos armes et le contre-sein du secrétaire général de notre évêché, le 26 avril 1851. Paul, évêque de Metz, par mandatement de Monseigneur Thomas. Préface. Depuis quelques années, la dévotion du chemin de la croix se propage d'une manière admirable, non seulement dans les grandes villes, mais jusque dans les plus humbles hameaux. Partout, le zèle des pasteurs s'efforce d'introduire et de mettre en honneur ces pieux exercices. Partout, les fidèles s'y portent avec un saint empressement et en retirent les fruits les plus précieux et les plus salutaires. C'est qu'en effet, toute la science du chrétien est la croix du Sauveur. Plus le chrétien approfondit ce mystère et le goûte en son cœur, mieux aussi il entend ses devoirs, plus sûrement il avance dans les voies du salut. Heureux donc celui qui, comme le grand apôtre, ne sait et ne veut savoir que Jésus est Jésus crucifié. Car la vie éternelle consiste à connaître le vrai Dieu et Jésus qui nous a envoyés. Aussi, en tous les lieux où la dévotion du chemin de la croix est instituée et suivie, les sentiments religieux se réveillent, la foi se ravive, la ferveur de la piété gagne de proche en proche, les bénédictions dont la croix est la source jaillissent plus abondantes et plus fécondes. L'Esprit de Dieu vient renouveler la face de la terre. Cependant, pour rendre le chemin de la croix plus fructueux encore, on a senti le besoin d'en varier les méditations, car tous, dit le pieux auteur de l'Imitation, ne peuvent pas avoir les mêmes exercices. Celui-ci convient à l'un, celui-là convient à l'autre. Il est bon même de les diversifier selon les temps. Par là, on évite plus aisément le danger de la routine. On ranime sa dévotion par des réflexions nouvelles. On peut se proposer chaque fois un but spécial et plus conforme aux nécessités et aux dispositions présentes de l'âme. Déjà, plusieurs chemins de croix ont été publiés qui réunissent la solidité et l'onction. Et néanmoins, le grand nombre de ces ouvrages n'a rien de surprenant. Car, selon la remarque du grand saint Léon, par là même que le mystère de la croix est ineffable, il fournit toujours matière à de nouvelles réflexions. Toujours il reste quelque chose à dire sur ce profond sujet, puisque rien de ce que l'on peut dire ne saurait l'épuiser. Les âmes pieuses l'ont si bien senti qu'elles ont accueilli avec faveur les différents chemins de croix qui ont successivement paru et se sont multipliés à l'égal des mois de Marie. Cela même m'encourage à livrer à l'impression ce petit opuscule. Peut-être les méditations sont-elles un peu longues pour être faites publiquement aux stations de l'exercice solennel. Mais il est des âmes qui préfèrent des considérations plus étendues, pourvu qu'elles y trouvent une instruction substantielle et un aliment à leur piété. C'est à ces âmes principalement que je désirerais pouvoir adresser ce petit livre, heureux s'ils réussissaient à leur faire goûter de plus en plus le mystère de la rédemption, plus heureux encore s'ils leur apprenaient à en profiter. Il ne suffit pas en effet de savoir ce que notre salut a coûté à notre Seigneur, et quelle bénédiction la victime sainte apporte au genre humain. Le sacrifice du calvaire ne nous sauve point sans une fidèle correspondance à la grâce, sans la pratique surnaturelle des vertus. Il m'a donc semblé utile de rattacher à chaque station de Jésus quelques devoirs de la vie chrétienne. Ainsi, les méditations renferment chacune deux parties distinctes, dont la première indique ce que Jésus-Christ fait pour nous, la seconde ce que nous devons faire pour lui. Dans leur ensemble, elles exposent d'une part le mystère de la passion et de l'autre l'abrégé de la morale évangélique. Peut-être ne sera-t-il pas hors de propos de faire valoir d'un coup d'œil l'enchaînement des idées sous ce double rapport. Voici donc le plan que j'ai suivi. Voulant être notre Rédempteur, il fallait que Jésus-Christ réparât le péché originel et nos péchés d'ignorance, de faiblesse et de malice. Or, pour réparer le péché originel, le Sauveur se soumet à la condamnation portée contre le premier Adam. Première station, et se charge de sa croix. Deuxième station. Il tombe une première fois sous le fait de nos péchés d'ignorance. Troisième station. Et pour y remédier, il envoie l'Église à notre rencontre. Quatrième station. Il nous enseigne que l'homme n'est point appelé en cette vie à des jouissances terrestres, mais à porter sa croix. Cinquième station. Et que nous ne pouvons être prédestinés, sinon nous retraçons en nous l'image du Fils de Dieu. Sixième station. Jésus tombe pour la seconde fois, parce qu'il porte l'immense fardeau de toutes les faiblesses humaines. Septième station. Et il nous donne, dans la crainte des jugements de Dieu, un puissant remède contre notre fragilité. Huitième station. Jésus tombe une dernière fois sous le poids de tous les péchés de malice. Neuvième station. Portant ainsi toutes les iniquités du monde, le Sauveur devra désormais les expier dans sa chair. Il est donc dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Dixième station. Il est cloué à la croix. Portant ainsi toutes les iniquités du monde, le Sauveur devra désormais les expier dans sa chair. Il est donc dépouillé de ses vêtements et abreuvé de fiel. Dixième station. Il est cloué à la croix. Onzième station. Et il meurt sur la croix. Douzième station. L'expiation consommée, il reste à nous en appliquer les fruits. Jésus, détaché de la croix, est remis entre les mains de ses disciples. Treizième station. Enfin, il est embaumé et mis dans le tombeau. Quatorzième station. À ces 14 stations correspondent les vertus et les devoirs de la vie chrétienne. Dans l'ordre suivant, premièrement l'humilité, parce que nous sommes par nature enfants de colère. Deuxièmement la justice que Jésus nous enseigne en se chargeant de payer la dette du genre humain. Troisièmement la foi qui relève l'homme de son ignorance des vérités surnaturelles. Quatrièmement la soumission à l'Église notre mère, que nous rencontrons en notre pèlerinage ici-bas, comme l'unique dépositaire de la révélation. Cinquièmement la tempérance qui nous aide à porter notre croix et nous fait partager les sentiments de Jésus-Christ par rapport au bien de ce monde. Sixièmement la prudence qui règle toutes nos actions pour nous faire arriver à la ressemblance du Fils de Dieu. Septièmement, l'espérance chrétienne, qui relève l'homme de sa fragilité, en lui montrant d'où lui vient son secours. Huitièmement, la force qui se puise dans la crainte des jugements de Dieu et fait surmonter courageusement tous les obstacles du salut. Neuvièmement, la charité qui relève l'homme de sa malice, en lui faisant aimer la souveraine perfection. Dixièmement, la confession et la contrition par lesquelles l'homme dévoile sa misère et a le cœur rempli d'amertume au sujet de ses péchés. Onzièmement, la satisfaction par laquelle il expie ses péchés étant cloué à la croix. Douzièmement, l'esprit de sacrifice par lequel il s'unit à l'immolation du calvaire. Treizièmement, la réception des sacrements qui jaillissent du sacré cœur de Jésus, percé par la lance. Quatorzièmement, enfin, la persévérance d'une vie cachée et non moins édifiante, figurée par la sépulture du Sauveur. Comme on peut le remarquer, ce cadre renferme les trois vertus théologales, les quatre vertus cardinales et les principales de celles qui s'y rattachent, celles qui préparent à la réception des sacrements et en font recueillir les fruits. Mais outre les vertus et les devoirs de la piété chrétienne, l'homme a besoin des dons du Saint-Esprit, qui le dispose à suivre promptement les inspirations divines et lui donne la facilité de pratiquer les vertus théologales. J'ai donc ajouté pour complément à la prudence chrétienne les dons de conseil, de science, d'intelligence et de sagesse qui seuls achèvent la guérison de notre ignorance, à la vertu de force le don de crainte du Seigneur, qui est le vrai remède à notre fragilité, au sacrifice le don de piété sans lequel nos offrandes seraient dénuées de l'esprit qui seul les vivifie, enfin à la persévérance le don de force qui seul peut la consolider et nous faire arriver au terme. Tel est le plan de ce nouveau chemin de croix. Puisse-t-il contribuer à répandre de plus en plus une dévotion si solide et inspirer quelques bons sentiments, quelques saintes résolutions aux âmes pieuses qui en feront usage.